de mensonges dans les cordes. Crois à ce que nous sentons profondément. Thank you. Thank you. Déconnecté de la situation.

club. We'll be right back. derrière nous. Thank you. sûr. Pas la compétition,

au monde de Narnia, où je me réfugierai comme dans l'enfance. L'enfant, il est où l'enfant que j'étais? Il est où l'enfant? Que je veux garder dans ma tête. Comme un papa, comme papa, pour mes enfants, pour mon fils, la fille que je n'ai pas. Narnia ou ailleurs. Que je veux garder en moi pour être un papa. Bien sûr, on veut tous garder l'enfant qu'on était en nous. Difficile aujourd'hui de garder ça. Le miroir est brisé paradoxalement. Paradoxalement, par les Black Mirror, le miroir noir que l'on a